Merci Elena pour l'invitation. Et du coup, ben moi, je vais continuer oui, sur la partie, enfin sur le régime de Omar al-Bashir, donc à partir de 1989 et jusqu'en 2019. Je viens tout juste de terminer mon master et mon mémoire qui porte sur l'Union générale des femmes soudanaises, qui est donc un peu la troisième grande union de femmes créée au Soudan. Donc, après l'union féminine qui a été mentionnée par Elena et l'union des femmes du Soudan créée sous Jafar al-Nimeri. Et donc, c'est donc l'union générale des femmes soudanaises. Elle a été créée en 1990, donc peu après le coup d'état militaire de Omar al-Bashir. Elle a été créée, en fait, elle est née à l'issue d'une conférence nationale qui a été organisée par le nouveau régime et qui avait pour vocation de rassembler toutes les femmes du Soudan pour discuter du rôle et de la place de ces dernières dans le nouveau régime. Cette ONG, en 1990, c'est la seule ONG féminine qui est active, enfin légalement active, puisque en 89, au moment du coup d'État, le régime dissout toutes les organisations non gouvernementales, dont notamment, enfin l'Union féminine qui agit, qui continue d'agir en clandestinité. C'est une ONG qui a 15, enfin, qui développe des programmes de développement assez classiques qui ciblent les femmes et les familles, et elle a 15 domaines d'intervention, l'éducation, la construction de la paix, elle met en place des programmes économiques, etc. Et c'est une organisation qui est très profondément rattachée aux institutions de l'État dès sa création, et on voit notamment aux institutions de l'État et du parti, du Front National Islamique qui se restructure à la fin des années 90 pour devenir le parti du Congrès National. Et on voit notamment que les membres fondatrices de l'Union Générale des Femmes Soudanaises sont adhérentes au Front National Islamique, sont même des cadres du Front National Islamique. Et ces liens entretenus donc entre cette ONG et l'État et le parti, on les voit notamment dans les subventions dont elles bénéficient. L'État, par exemple, va financer à travers le ministère de la Garantie du Développement Social, va financer des programmes de développement de l'Union. On voit aussi dans l'emplacement du siège de cette organisation. Donc, c'est une organisation dont le siège était situé à seulement quelques mètres du palais présidentiel jusqu'en 2005, dans des bureaux mis à disposition par l'État à titre gracieux. Puis, en 2005, quand le siège déménage, il s'installe à seulement quelques mètres aussi du bureau pour la jeunesse du Parti du Congrès national et du siège des forces de défense populaire, une institution Omar al-Bashir. Et on voit aussi Abir, je ne sais pas si c'est que chez moi que ça ne fonctionne pas Oui. bien, mais j'ai l'impression que le son coupe. Ah mince. Ah, je suis désolée. J'ai un problème, je crois, de Non, mais connexion. là, ça va mieux. Est-ce Voilà. que ça va? Oui, Oui, ça va mieux. ok, Ça va mieux. super. Oui. Alors, je reprends, je disais l'emplacement du siège de cette ONG qui était au départ jusqu'en 2005 dans des locaux prêtés par l'État à titre gracieux et qui se situait à quelques pas du palais présidentiel. Puis en 2005, l'organisation déménage dans un autre quartier central aussi de la capitale et qui se situe en fait à quelques mètres aussi du bureau pour la jeunesse du Parti du Congrès national et du siège des forces de défense populaire qui est une institution paramilitaire qui est assez emblématique de l'État parallèle créé par le régime de Omar al-Bashir. On voit également ces liens très étroits dans la manière dans la facilité en fait avec laquelle l'Union générale des femmes soudanaises arrive à s'enregistrer et à se réenregistrer chaque année auprès du Humanitarian Affairs Commission, qui est un département dans le ministère de la Garantie du Développement Social, qui est en charge en fait de superviser les activités de toutes les organisations non gouvernementales qui interviennent sur le sol soudanais. Et donc, contrairement aux autres ONG féminines, par exemple, l'Union générale des femmes soudanaises n'a pas de problème en fait pour s'enregistrer et se réenregistrer chaque année auprès de cette institution. Et donc, ce rattachement, en fait, aux institutions de l'État fait, en fait, finalement, de cette organisation non gouvernementale, une organisation qui est plus ou moins organisée, en fait, par le gouvernement. Je me suis intéressée, j'ai fait un terrain ethnographique de 3 mois en 2019 et je me suis intéressée surtout du coup au siège de l'Union qui se situe dans la capitale soudanaise. Et donc moi j'ai fait mon terrain quelques mois après la destitution de Omar el-Bashir et la dissolution officielle de son parti, le parti du Congrès national, et quelques semaines après la signature de la nouvelle constitution et l'institution d'un gouvernement de transition. Donc c'était une période assez floue pour l'organisation puisque toutes ses activités étaient à l'arrêt. C'était aussi une période de restructuration plus ou moins de cette ONG qui essaie de s'adapter en fait au nouveau paysage, notamment au nouveau paysage politique. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné puisqu'elle a été dissoute en novembre 2019. Et on voit finalement que la naissance et la mort de cette ONG, elle correspond, enfin, elle est même consubstantielle à la naissance et à la mort du régime de Omar el-Bashir. L'organisation, elle rassemble officiellement, selon donc, les chiffres présentés par ses cadres, 6 millions d'adhérentes. Bien sûr que c'est un chiffre qu'il faut revoir à la baisse, mais elle reste quand même la grosse organisation féminine en termes de moyens humains et financiers pendant les 30 années de règne de Omar el-Bashir. Elle est divisée, donc, comme je disais, en 15 pôles d'intervention, et au sein de l'organisation, on trouve deux catégories, enfin, en tout cas au sein du siège, on trouve deux catégories de volontaires, puisque toutes les personnes qui y travaillent ont le statut officiel de volontaire. On a à la fois les cadres qui travaillent à temps partiel et qui ne reçoivent officiellement pas de budget. À côté de cela, elles travaillent toutes dans la haute fonction publique. La plupart sont députées, ministres, certaines conseillères du président Omar el-Bashir. Voilà. Juste une petite coupure. Oui. Ils ne reçoivent pas des et puis ça, ils reçoivent pas des salaires, c'est ça? Non, pardon. Elles ne reçoivent pas de salaire, oui. Officiellement, elles n'ont pas de rémunération, contrairement du coup à l'autre catégorie des employés subalternes qui, elles travaillent à temps plein pour l'organisation et elles reçoivent une petite rémunération. Et c'est donc sur ces femmes, sur les employés subalternes, surtout que je pense que je vais axer ma présentation, c'est des femmes surtout qui sont issues de classes populaires, parfois de classes moyennes. Elles sont issues de groupes ethniques minorisés, elles habitent aussi des quartiers périphériques, des quartiers populaires en périphérie de la capitale. Et donc, je me demandais en fait, pourquoi surtout ces femmes des marges sociales, finalement, elles décident de s'engager dans une organisation du centre de la vie sociale, enfin de la vie politique et associative du Soudan. On voit pour tous les types d'engagement dans tous les types d'organisations que la manière dont les individus finalement ils perçoivent leur situation comme problématique et vont tenter d'y remédier, elle est contrainte par un univers de ressources qui est notamment déterminé par un processus genré et qui est continu et renouvelé d'assignation des femmes à certaines tâches et certaines fonctions sociales. Et c'est ce qui explique finalement également la surreprésentation des femmes dans le champ du développement, qui s'explique donc à la fois par une division internationale du travail. Mais vous m'entendez? Pardon. Ça a coupé encore? Non, ça va. C'est de temps en temps, mais c'est encore. Alors, attendez, je vais essayer peut-être de passer à la 4G. Je suis désolée pour ce problème de Wi-Fi. Ouais. Covid. Conséquences. Cas par une faible diversité des possibilités d'engagement dans l'État autoritaire soudanais. Et notamment parce que l'activité citoyenne, elle est très étroitement surveillée. l'activité syndicale et politique aussi, elle est limitée ou elle se retrouve sinon sous la coupe du parti au pouvoir. Et notamment, par exemple, pour la fédération des syndicats de travailleurs du Soudan qui a été mentionnée par Elena tout à l'heure, qui avait été créée en 1950, puis dissoute en 89, puis réorganisée et réinstituée en 1992 par le parti au pouvoir. L'activité syndicale aussi sous cette fédération est très étroitement contrôlée, surveillée par l'État. Donc finalement, en fait, l'engagement dans une organisation non gouvernementale organisée par le gouvernement, elle semble représenter la forme peut-être, la forme de mobilisation qui est la plus évidente ou la plus prudente en tout cas. Dans ce cadre, on voit qu'il y a je vais d'abord aborder la question du processus de moralisation du bénévolat, qui est une forme de cristallisation finalement de l'alliance capitaliste conservatrice qu'on voit dans le régime d'Omar al-Bashir et aussi au niveau de l'Union générale des femmes soudanaises. Le phénomène de globalisation qui contribue à recréer les notions de bien et de mal et qui établit un retour aux hégémonies, aux hégémonies morales, elle va contribuer à définir finalement de nouveaux comportements moraux qui s'illustrent notamment dans les nouvelles croisades humanitaires et qui font des ONG les forces du bien, entre guillemets. C'est dans ce contexte d'ONGisation un peu du champ, notamment du champ social, où en fait les ONG vont remplacer l'État. C'est un phénomène, donc le phénomène de non-ingérence de l'État dans ce secteur qui se combine aussi à une promotion du bénévolat citoyen, s'articule en fait autour du concept de participation et notamment du concept de participation des bénéficiaires des programmes sociaux ou des programmes de développement. Avec l'idée en fait de faire participer du coup ces bénéficiaires à la fois dans l'élaboration de ces projets mais aussi dans leur mise en place et éventuellement dans l'évaluation de ces projets de développement. Et c'est donc finalement en fait ce mot participation, c'est un mot qui revient beaucoup dans le champ lexical du développement et c'est un mot fourre-tout qui veut un peu tout dire et ne rien dire finalement. Et on voit que concrètement au Soudan et au niveau de l'Union générale des femmes soudanaises, la participation effective des bénéficiaires, par exemple des projets économiques, elle s'apparente paradoxalement à une augmentation de la charge de travail gratuite de ces femmes, puisque par exemple une des employées avec qui j'ai mené un entretien, me disait par exemple sur les projets agricoles en zone rurale, les projets développés par l'Union, on imposait parfois certaines bénéficiaires de participer donc à ces projets sous la bannière de certains concepts progressistes comme partage de compétences ou capacity building, où on incite finalement les bénéficiaires à former d'autres bénéficiaires, mais de manière totalement gratuite. Elle n'était pas rémunérée pour ces formations. Et donc finalement, on voit que le phénomène de décharge de l'État, qui passe donc par le biais de ces ONG et ici de l'Union, elle impose finalement aux classes dominées un travail supplémentaire bénévole qui est cependant présenté par les élites sociales, notamment en fait les cadres de l'Union générale des femmes soudanaises, comme un moyen d'émancipation individuelle et aussi finalement comme un gage de bonne gouvernance et donc de pratiques démocratiques. On voit donc finalement aussi que ce processus de promotion du bénévolat il repose également sur une rhétorique religieuse au niveau de l'Union générale des femmes soudanaises. Et c'est une rhétorique qui est héritée de la vision d'un islam réformiste, donc un courant de pensée qui est importé plus ou moins dans les années 40 au Soudan, par des étudiants notamment qui reviennent d'Égypte. C'est une rhétorique selon laquelle en fait chaque individu serait responsable de sauver à la fois l'islam et l'humanité pour pouvoir prétendre au salut de son âme. Donc l'idée, dans ce discours, les ONG islamiques dont l'Union fait partie, puisque c'est des organisations qui vont mobiliser des référents islamiques pour justifier leurs actions, donc ces ONG elles jouent un rôle très important dans ce contexte. en exposant, par exemple, les situations humanitaires pour permettre ensuite une prise de conscience individuelle puis collective et qui se matérialiserait par un engagement citoyen charitable ou un engagement citoyen, en tout cas, dans ces organisations non gouvernementales. Et donc, dans ce discours, finalement, il y a l'idée d'une nouvelle représentation de la place de l'individu dans la société, qui devient donc un sujet autonome et responsable. Et cela passe par la valorisation de l'acte vertueux et cette vertu, enfin l'acte vertueux à l'âme, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup notamment dans la production de l'Union générale des femmes soudanaises et de ses cadres, dont Raja Hassan Khalifa, qui a pas mal écrit sur le mouvement, sur la place des femmes dans le mouvement islamiste soudanais et sur notamment l'Union générale des femmes soudanaises. C'est un des rares témoignages écrits des activités et de l'histoire même de cette organisation. Et donc la vertu, on voit que la vertu en fait, elle se décline dans toutes les activités, tous les domaines de la vie sociale, que ce soit au travail ou dans la famille par exemple. Donc ce langage citoyen, il se confond aussi avec un langage moral et il se traduit dans une pratique de solidarité et d'entraide qui serait basée sur la piété. Ici, la piété, ce serait donc à la fois une disposition intérieure, mais aussi une conduite extérieure. Cette idée il y a une idée de réforme constante de soi qui permettrait, en fait, qui serait même la garantie d'un effacement des inégalités socio-économiques dans la société à travers donc ces actes de charité, ces actes d'évergétisme. On constate dans le discours, surtout notamment des cadres de l'Union, qu'il n'est jamais question d'une transformation radicale ou en profondeur du système de production et d'accumulation du capital, puis du système de redistribution, puisque la redistribution se ferait en fait au niveau des individus, quoi. Ce discours-là, en fait, ce discours moral, religieux, il est particulièrement, enfin, il revient énormément dans les échanges avec les employés subalternes de l'Union, qui associent leur travail bénévole à une œuvre de charité qui sera accomplie donc au nom de Dieu. Et donc l'idée, c'est que, en fait, la conséquence directe de leur engagement serait donc le renforcement de leur foi et elle se fonde sur notamment plusieurs versets coraniques où il est question d'un engagement bénévole qui est assimilé à une forme de djihad. Et donc, finalement, on constate que ce rapport de soi à soi, donc de réforme constante de soi, et aussi ce rapport de soi à autrui à travers l'entraide, enfin les actions de solidarité, elle explique en fait pour l'Union la faible utilisation de modes d'action disruptifs et fait finalement de cette ONG une instance de fabrique du consentement dans la stratégie globale du régime de Omar al-Bashir dès ses premiers jours, qui a à cœur de pacifier et de neutraliser les populations pour pouvoir installer son hégémonie. Et donc, il y a une forme surtout sur les 10 premières années, il y a une forme de contrat social tacite entre les gouvernants et les classes populaires et moyennes, qui reposerait donc sur un soutien à l'État, où on voit que ces classes, en fait, elles promettraient la paix sociale, la démobilisation ou une forme de mobilisation contrôlée, notamment à travers des institutions affiliées de près ou de loin au parti, donc par exemple l'Union générale des femmes soudanaises, contre donc des services sociaux primaires gratuits ou à moindre coût. Par exemple, ici, le cas des projets de développement proposés donc par l'Union aux femmes et aux familles plus largement. Et donc finalement, on voit que on voit finalement ici que l'État et ses institutions, les institutions para-étatiques, elles fournissent à la fois des services, mais elles sont également là pour contrôler et pour punir et pour punir aussi dans certaines configurations. Et parmi du coup ce que fournit l'État et ce que fournissent en fait ces ONG, dont l'Union, il y a les rétributions matérielles et les rétributions symboliques qui découlent finalement de l'engagement dans cette ONG, dans l'Union générale des femmes soudanaises. Donc, sur cette, c'est une question qui est très importante et qui est énormément revenue dans les échanges que j'ai pu avoir avec les employés de l'Union. En fait, cette question permet déjà de dépasser l'idée que ces femmes s'engageraient uniquement sur une base idéologique, notamment sur une base idéologique religieuse, l'idée, c'est de pouvoir rejeter un peu l'idée d'effet spécifique et exclusif, surtout de la croyance religieuse sur les sujets musulmans largement, mais surtout sur les femmes musulmanes, et d'expliquer finalement, de constater que l'engagement, il découle de stratégies qui prennent en considération de multiples facteurs, et notamment, surtout, peut-être avant tout même, les intérêts économiques et politiques qui sont poursuivis par ces femmes qui s'engagent, et notamment par ces femmes de groupes, enfin de catégories marginalisées qui s'engagent dans l'Union générale des femmes soudanaises. Et cette idée, le but également de donner d'autres mobiles, d'autres motifs d'engagement, ça permet aussi de dépasser cette idée que ces femmes maîtriseraient l'idéologie qui justifie la cause, donc l'idéologie et notamment les concepts sur lesquels se base l'idéologie de l'Union, comme par exemple le concept de genre, de justice, d'authenticité, de respectabilité, d'empowerment, etc. Et on voit que c'est pas vraiment le cas. Finalement, l'engagement et le maintien de l'investissement dans l'Union tient finalement surtout à une recherche de bien-être personnel et collectif immédiat. Donc d'abord, sur les rétributions matérielles de cet engagement, comme je le disais au départ, ces employés reçoivent une compensation pour leur travail, mais c'est une rémunération qui est très faible, qui, selon toutes les enquêtées, elle permet uniquement de couvrir les frais, le coût des transports public pour aller travailler et revenir, et le crédit téléphonique et de prendre en charge aussi le déjeuner. Il y a également d'autres avantages aussi, comme par exemple des formations professionnelles gratuites ou des ateliers qui permettent à ces femmes de gagner en compétences pratiques, disons, dans le champ du développement. Et une des employées que j'ai rencontrée, qui est secrétaire au siège de l'Union et qui vit dans un quartier populaire en périphérie de la capitale avec ses frères et sœurs et ses parents, me disait notamment que cette rémunération, elle était bien trop faible, elle ne permettait pas de joindre les deux bouts. Cette employée est en charge en fait de subvenir aux besoins de sa famille, puisque son père a un emploi journalier assez précaire et ses frères et sœurs et sa mère ne travaillent pas. Donc elle est née dans l'état du sud Kordofan, donc une région qui est traversée par d'importantes crises humanitaires, notamment des bombardements, des tensions illégales, violences sexuelles de masse orchestrées par les forces armées du régime d'Omar el-Bashir sur les populations civiles. Elle s'est d'abord engagée comme bénévole dans un camp de déplacés de réfugiés à Kadougli, donc dans la capitale du Sud Kordofan, avant d'avoir été repérée par l'Union générale des femmes soudanaises pour diriger le bureau des formations professionnelles au niveau de son quartier. Et c'est surtout son statut d'insider, en fait, puisque elle vivait dans ce camp, qui lui a permis de mobiliser finalement assez facilement les femmes pour qu'elles puissent prendre part au projet. Ensuite, elle s'est vue confier cette charge, de la responsabilité de gérer les formations professionnelles au niveau de la municipalité, puis au niveau de l'État du Sud Kordofan. Et donc, on voit dans son discours, dans la manière dont elle décrit notamment les projets qu'elle a mis en place et qu'elle a menés, que ces rétributions matérielles, elles vont de pair avec des rétributions symboliques. Et ici, cette rétribution symbolique, c'est surtout la reconnaissance des compétences professionnelles de cette femme qui permet d'accroître finalement son capital social. Parmi les rétributions symboliques, il y a également l'esprit de, enfin, la fonction d'intégration sociale finalement que joue cette union, et on le voit avec l'esprit de solidarité, de camaraderie, de cohésion, et un vrai sens de communauté et d'amitié au sein du groupe des employés subalternes de l'Union générale des femmes soudanaises. Et c'est finalement cette fonction d'intégration sociale qui permet peut-être très largement en fait de rattacher ces femmes à l'organisation. Et on voit que cette cohésion, cette solidarité, enfin ce sens de communauté se traduit par une solidarité matérielle aussi, où par exemple une des assistantes qui travaille au siège dit que pour pouvoir boucler les fins de mois, elle vend des produits cosmétiques à ses collègues, donc à d'autres employés subalternes au sein de l'union. Et il y a aussi pour des événements comme je sais pas des mariages, des baptêmes ou des funérailles, on voit que les femmes organisent une sorte de petite cagnotte pour pouvoir participer, pour pouvoir aider très concrètement leurs collègues. Et donc finalement, on voit que la loyauté dont certaines employées peuvent montrer envers l'union, certaines sont engagées depuis une dizaine d'années par exemple, elles découlent finalement peut-être davantage des rétributions symboliques, puisque leur travail tout de même, même s'il est très peu rémunéré, il est perçu comme gratifiant, et elles se sentent souvent, dans le discours ce qui revient, c'est qu'elles se sentent utiles aux femmes et aux enfants en prenant part à une organisation d'envergure nationale qui développe de nombreux projets sociaux. On voit également qu'il y a un réel attachement donc à la cause, et aussi une satisfaction de défendre donc l'idée d'un développement des femmes, tenmiyat al-mara, ou d'un empowerment des femmes, qui permet finalement d'accroître l'estime de soi. Cet engagement dans l'Union générale des femmes soudanaises, c'est peut-être le seul moyen pour ces femmes de pouvoir construire et conserver une image d'honorabilité et une image valorisante d'elles-mêmes dans un contexte de chômage massif. Et finalement, en fait, cet engagement bénévole, il permet de compenser la reconnaissance d'un statut qui est normalement obtenu par le travail salarié. Et cette question-là, elle est notamment soulignée par Lucie Revilla, qui travaille dans les quartiers populaires de Khartoum, et qui constate la même chose au niveau des volontaires des comités de surveillance populaire. Il y a aussi un sentiment de fierté qui est rattaché au fait de faire partie de l'organisation mère, puisque l'Union encadre tout un réseau de petites associations de développement sur l'échelle à l'échelle nationale. Et il y a également aussi le prestige social qui est associé au travail humanitaire, qui finalement également s'accroît quand ces femmes, ces employés subalternes, se voient confier des responsabilités aussi minimes soient-elles au sein de l'Union. Par exemple, une des femmes rencontrées me racontait avec beaucoup de fierté son rôle de responsable de projet de développement économique au niveau de son quartier de la capitale soudanaise. Et elle me disait, par exemple, j'ai pu changer les conditions de vie des femmes de mon quartier, des femmes de classe populaire. Donc, on voit qu'il y a un réel sentiment de fierté d'avoir été en charge d'un tel projet. Il y a aussi une autre employée qui est membre du bureau des relations publiques et qui, elle, exerce une responsabilité à la base qui lui permet notamment d'exercer des fonctions de représentation de l'Union. Et elle décrit, elle, justement, son travail comme celui de la représentation, enfin de la présentation d'une bonne image de l'Union générale des femmes soudanaises, notamment dans la presse nationale. Elle joue également, cette femme joue également un rôle important dans l'organisation des événements au niveau du siège, et notamment, j'ai pu le constater notamment lors de l'assemblée du comité consultatif. Donc le comité consultatif, c'est la plus haute instance de l'ONG qui élit notamment le secrétariat général et qui élit également les responsables des différents pôles. Et donc cette assemblée, elle s'était tenue en octobre, donc pendant mon terrain, et on voyait que cette employée, elle était en charge en fait de distribuer officiellement et de manière un peu même théâtrale les laissez-passer pour pouvoir accéder en fait à la salle de rassemblement, alors même que ni elle ni les autres employés subalternes ne pouvaient assister à la réunion puisqu'elle faisait pas partie en fait des membres du comité consultatif. Et à un moment, au moment où je tente d'accéder à la salle, je vois qu'elle prenait vraiment son rôle de gardienne très à cœur, puisqu'elle essaye de m'en empêcher puisque je ne faisais pas partie non plus des membres donc, de ce comité consultatif. Donc on voit en fait finalement que ces fonctions-là, ces fonctions de représentation et ces fonctions aussi, c'est la responsabilité qu'elle endosse au niveau de l'organisation des événements de l'Union, qui est aussi combinée à son ancienneté dans l'organisation. Elle était, quand on s'est rencontrés, ça faisait 12 ans qu'elle faisait partie de l'Union Générale des Femmes Soudanaises. Donc ses fonctions et son ancienneté font bénéficier cette femme d'une forme d'autorité et aussi de notoriété parmi ses pairs, donc parmi le groupe d'employés subalternes. Et je le voyais notamment au moment du terrain où plusieurs fois des employés me renvoyaient vers cette femme qui était perçue comme une informatrice privilégiée pour mon enquête. Néanmoins, on voit que les effets de cette forme donc, de promotion socioculturelle sont atténués à la fois par les contraintes économiques auxquelles font face ces classes marginalisées, qui est due notamment à une stagnation des salaires et aussi à une absence en parallèle d'évolution équivalente au niveau des salaires des membres de l'entourage familial, mais également ces effets sont atténués aussi par une dépréciation relative des postes à la base, des postes au bas de la hiérarchie que ces femmes occupent au sein de l'Union. Et donc on voit que finalement leur loyauté en fait elle est davantage le résultat d'un choix de nécessité face à l'absence d'autres alternatives professionnelles pour ces femmes, elles mentionnent toutes dans nos échanges que leur trajectoire d'engagement et leur trajectoire professionnelle sont dépendantes des opportunités qui s'offrent à elles. Et finalement, l'engagement volontaire dans des ONG, semblerait être la seule option viable, comme je disais, dans un contexte de chômage de masse pour ces femmes, et notamment pour celles qui ont un faible bagage scolaire. Mais c'est perçu par celles qui sont issues de classes moyennes et qui ont par exemple fait des études supérieures comme un sous-emploi puisque c'est très mal, c'est très peu rémunéré, et ça crée des situations de désillusion pour ces femmes. Donc je vais maintenant aborder la question de la politisation des femmes ordinaires et des bénéficiaires des projets de développement à travers justement donc l'engagement dans l'Union Générale des Femmes Soudanaises et le travail que fait cette organisation et que font les élites surtout, les cadres de cette organisation pour essayer d'attirer le plus d'adhérentes possible. Donc, l'Union Générale des Femmes Soudanaises, comme je le disais au début, elle est très liée à l'État et aux partis au pouvoir, et elle compte parmi les institutions de contrôle social qui ont été instaurées par le régime et par le parti, dont par exemple la police communautaire ou les comités populaires. Et donc, à travers finalement les services sociaux et les projets de développement proposés aux femmes, notamment dans les quartiers populaires de la capitale, l'Union Générale des Femmes Soudanaises exerce une forme de contrôle social sur ces femmes. Il y a un processus donc d'inclusion des femmes des classes perçues comme dangereuses dans l'Union qui est donc à la fois en fait un processus d'instrumentalisation de ces femmes, mais qui est paradoxalement également, qui se traduit aussi paradoxalement par un phénomène de d'empiètement tranquille de l'ordinaire, pour reprendre l'expression de Asef Bayat, et qui permet finalement à ces femmes des marges d'exercer une forme d'agency en étant présentes dans une organisation du centre du champ du développement soudanais. Et puisqu'en fait, l'Union générale des femmes soudanaises représente un espace finalement pour ces classes urbaines dominées où elles peuvent obtenir une forme de pouvoir sur leur vie et également obtenir également influencer les politiques publiques. Et ça se voit notamment dans en fait, le fait de côtoyer directement les élites sociales et politiques au sein de l'organisation permet, par exemple, à ses employés subalternes d'obtenir des biens et des services comme, par exemple, des logements sans avoir à passer par les conditions ordinaires du marché. Donc, c'est vraiment un espace qui leur permet finalement d'étendre leur portée, enfin leur action politique pour pouvoir prétendre aussi à une ascension sociale. Donc, pour revenir sur la question du contrôle des classes sociales marginalisées, ce contrôle, finalement, il passe notamment par un travail de politisation des groupes qui sont voués à l'invisibilité, qui est opéré par cette ONG. Et on voit, c'est étudié par d'autres chercheurs, dans d'autres contextes autoritaires, les ONG participent au phénomène de politisation de l'aide sociale. Et donc, ça s'illustre surtout par l'échange de services sociaux contre le vote des populations. On le voit notamment, c'est ce que me raconte une des cadres de l'organisation, la vice-secrétaire générale, qui m'explique notamment que l'Union, qui est une organisation à la base et qui est présente dans toutes les régions du pays, elle est naturellement, entre guillemets, sollicitée par le parti du Congrès national pour pouvoir mobiliser les populations lors des élections. Et c'est notamment, c'est le cas notamment pour les élections générales de 2015. Donc finalement, en fait, l'importance du maillage de l'Union et son statut aussi d'organisation non gouvernementale et donc officiellement apartisane en fait finalement l'intermédiaire privilégié entre le parti et les populations, les citoyennes et les citoyens. Et donc c'est à travers, par le biais en fait de ces programmes de développement et par le biais en fait de la mise à disposition de services essentiels comme les écoles, les crèches, les services de santé, enfin les cliniques médicales, que l'Union réussit à en fait faire vivre le contrat social que j'évoquais en introduction et arrive à finalement neutraliser ces populations et surtout à les mobiliser lors des élections. Et la question des services de santé, elle est notamment très importante puisque ces services sont universels, enfin ils ciblent toutes les catégories de la population et donc finalement ils permettent de couvrir un large panel d'électeurs. Et donc même si ces services sont officiellement gratuits, en réalité on comprend bien qu'il y a un paiement qui se traduit par un soutien au parti du Congrès national et qui se matérialise très concrètement par le vote pour ce parti. Et cette pratique elle n'est pas exclusive au parti du Congrès national ou à l'Union générale des femmes soudanaises. On le voit avec d'autres partis politiques soudanais, notamment le parti Oumma, avec ses organisations de charité. Et donc c'est une pratique qui s'appuie sur un échange donnant-donnant. Donc les citoyens, les citoyennes ici dans le cadre de l'Union générale des femmes soudanaises et bénéficiaires des projets sociaux et donc l'Union et le parti du Congrès national. Et c'est une pratique qui repose sur la thèse selon laquelle les pauvres ne pourraient pas se permettre d'être idéologiques. Donc l'idée que ces personnes-là, elles chercheraient avant tout à subvenir à leurs besoins primaires, notamment se loger, se soigner, avoir accès à une éducation de qualité, etc. Donc pour conclure rapidement, du coup, on voit que en fait l'Union générale des femmes soudanaises, elle se positionne pendant donc toute cette période 1990-2019 comme la représentante de toutes les femmes soudanaises, à la fois comme une ONG mais aussi comme un syndicat. Et le nom même c'est vrai que je n'ai pas donné le nom de l'Union générale des femmes soudanaises en arabe, c'est l'Ittihad al-Arab lil-Mar'a Soudania, et Ittihad en arabe peut également signifier syndicat, au même titre que Naqaba. Donc il y a l'idée aussi dans leur discours et aussi dans leur programme de défendre les droits et les intérêts des femmes dans le monde du travail. Et on le voit notamment avec la question des vendeuses de rue, notamment les vendeuses de thé dans les rues de la capitale soudanaise. Et plusieurs cadres que j'ai rencontrés ont mentionné ces projets qui ciblent les femmes, qui ciblent ces vendeuses de thé, avec l'idée, enfin, avec pour objectif en fait de les sortir entre guillemets de la rue pour leur permettre d'accéder à des activités génératrices de revenus qui ne mettraient pas en danger leur respectabilité et leur honneur. Donc il y a l'idée surtout, enfin avant tout, de protéger ces femmes contre notamment le harcèlement sexuel dont elles font l'objet. Donc on voit qu'il y a une approche qui est très maternaliste, qui cherche pas du tout à aborder frontalement, par exemple ici la question du harcèlement de rue pour le prévenir, mais qui cherche simplement à trouver des solutions ponctuelles et individuelles à ce problème. Et on voit donc en échangeant donc sur cette question des femmes, des vendeuses de thé, les cadres de l'Union ne mentionnent à aucun moment, par exemple, une forme de collaboration avec le syndicat de l'Union des vendeuses de nourriture et de thé, donc le syndicat de ces vendeuses, qui a été fondé en 1990 par une vendeuse de thé. Et donc, quand je mentionne notamment ce syndicat aux cadres de l'organisation, elles essayent de changer de sujet, ou enfin, en tout cas, on voit vraiment que dans le discours, mais aussi dans la pratique, il y a une réelle volonté pour l'Union de réclamer une forme de monopole, en fait, aussi sur cette question des syndicats féminins, et notamment sur la question de l'accompagnement, en tout cas, et de la défense des intérêts et des droits des vendeuses de rue. Voilà pour la conclusion. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions,